Thank you. 1, 2, 3, 4. Citadine Auvergne. La liberté ne peut nous être aliénée. Sur le papier, nous sommes libres et égaux. Oh là, y'a la guitare, wow. La liberté ne peut nous être aliénée. Sur le papier, nous sommes libres et égaux. T'arrives pas à dire égaux. Je vais changer les paroles. Qu'il nous reste donne-moi la logique à laquelle me raccorder. Le temps nous apprend aussi qu'il y a parfois du bon à prendre de l'âge. C'est lui quand il passe qui laisse sa sagesse son héritage. Il change le visage de nos amours. Devant lui nous sommes tous à égalité. Un jour il s'amuse, un jour il court, un jour il nous apporte la vérité. La Suède. Et ça groove à la Suède. On a aussi de la guitare qui vient du Royaume-Uni avec Mr. Blues Boogie. Drum CRP. Allez-y. Alors, donne-moi la logique à laquelle me raccorder. Bien sûr, le français, Mr. Z. Allez, Mr. Z, à toi. Le roi du clavier. Guitare. Et voilà, c'était le moment rasta de la journée. Alors on va se faire un dernier refrain. Ça faisait, alors donne-moi la logique à laquelle me raccorder. Alors donne-moi la logique à laquelle me raccorder. Alors donne-moi la logique à laquelle me raccorder. Alors donne-moi la logique. Je vais aller regarder le rugby à la télé. Le rugby. L'Ovalie. En tant qu'Auvergnat, je me dois de regarder le rugby. À bientôt.